l'échec est ma réussite. Rocam. Ici ça sent la rue, ouais. Ici ça sent la rue, ouais. Ça sent la rue en déficit, on vit du RSA. Y'a des jeunes qui vendent des lamelles et d'autres qui arrachent des sacs. Le blanc égal au noir, ils travaillent même au bloc. Sous fumette, j'vois des trucs chelous à la main, un bloc. Dans toutes les couleurs et religions, y'a des salomes. Ça peut être amour si tu dis CLM ou shalom. J'vais pas rapper des trucs joyeux, on est dans la merde. On pleure pour nos morts et ceux qu'on prie des années fermes. La nuit tombe, peur que ma mère se réveille pas le matin. La France, un baratin, faut l'aimer, arrêter ce baratin. J'vais pas aller faire le beurre car j'ai la bite coupée. Moi, c'est Mika, pas de boys. Bande à la bitch, ok. Rajoute un roi, Kamoura est à mon nom de famille. Je vais pas faire le mafieux, mon bled, c'est l'Andalousie. La vie m'a donné un cadeau, celle qui m'a mis au monde. D'après mon expérience, les beurettes sont si connes que les blondes. Tu mets un PV, j'aime pas ma gueule, on met pas l'amende. Le pays est bas, j'fous un crochet du gauche à François Hollande. La vie est dure, j'dors tard, du chi dans la lue. C'est la loose comme un père au PMU, ici ça sent la rue. Tu mets un PV, j'aime pas ma gueule, on met pas l'amende. Le pays est bas, j'fous un crochet du gauche à François Hollande. La vie est dure, j'dors tard, du chi dans la lue. C'est la loose comme un père au PMU, ici ça sent la rue. Ouais, ici ça sent la rue. Ouais, ici ça sent la rue. Ça sent la rue, ouais. Ça sent la rue. Sincère, je me suis fait seul, pas besoin de père. Tant que tu es pas pendu, ouais, j'ai les pieds sur terre. L'argent c'est ce qui manque, les pauvres et riches mentent. Condamnés à l'illicite, c'est la haine, il est triste ce monde. Des gens sans domicile, d'autres se plaignent qu'ils ont que le fixe. Les PD, je vous souhaite la même mort que celle des fixes. Dans la rue Ferhendek, y'a des Guy Georges. La loi du plus fort, tu donnes pas une clope, on t'égorge. Ce pays, je l'aime pas, je le salis dessus, je pisse. Je voudrais une Rolex et le compte rempli en Suisse. Pour 20 euros, une tasse dessus, c'est la gêne. Contre la mort, on jongle en sécurité que quand je fais mon jeûne. Ma mère va partir sans avoir eu le bonheur. On finit au ballon, on aurait voulu être footballeur. Comme une chatte russe, la rue ça sent mauvais. On joue à la roulette russe car on nous empêche de travailler. Tu mets un PV, j'aime pas ma gueule, on met pas l'amende. Le pays est bas, j'fous un crochet du gauche à François Hollande. La vie est dure, j'dors tard, du chi dans la lue. C'est la loose comme un père au PMU, ici ça sent la rue. Tu mets un PV, j'aime pas ma gueule, on met pas l'amende. Le pays est bas, j'fous un crochet du gauche à François Hollande. La vie est dure, j'dors tard, du chi dans la lue. C'est la loose comme un père au PMU, ici ça sent la rue. Tu mets un PV, j'aime pas ma gueule, on met pas l'amende. Le pays est bas, j'fous un crochet du gauche à François Hollande. La vie est dure, j'dors tard, du chi dans la lue. C'est la loose comme un père au PMU, ici ça sent la rue. Tu mets un PV, j'aime pas ma gueule, on met pas l'amende. Le pays est bas, j'fous un crochet du gauche à François Hollande. La vie est dure, j'dors tard, du chi dans la lue. C'est la loose comme un père au PMU, ici ça sent la rue.